Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 4 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux François, à l'honneur de Saint-François d'Assise. Les dictons du jour nous disent à la Saint-François d'Assise, si tu bâtis, sois prudent pour tes assises. À la Saint-François de la pâte du noix, le jour décroît. À la Saint-François vient le premier froid. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, puisque hier, il y a fait vraiment très froid le matin. Allez, on passe aux célébrations internationales. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des animaux. C'est le premier jour de la semaine mondiale de l'espace, hein, chaque année, du 4 au 10 octobre. Pardon. Au Lesotho, c'est la fête nationale qui célèbre l'indépendance. Et en Suède, c'est le jour de la cannelbulle, brioche à la cannelle suédoise. Et dans les événements qui se sont déroulés un 4 octobre, 1824, proclamation de la République du Mexique, 1830, déclaration d'indépendance de la Belgique par le gouvernement provisoire, 1945, création de la sécurité sociale en France, 1958, promulgation de la constitution de la 5e République, toujours en France, et 1966, indépendance du Lesotho, c'est un état d'Afrique australe. Allez, avant de faire une petite pause musicale, on va écouter Chris qui nous parle du don du sang du mois d'octobre. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. C'est Chris, et aujourd'hui je vous présente le programme des Journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois d'octobre 2019 dans notre département. Tout d'abord, il faut savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence. Et donc, pour répondre à cette exigence, il faut aller donner son sang. Et voici les dates pour le mois d'octobre. Samedi 5 octobre 2019, à Saint-Maurice-sur-Moselle, à la salle multi-activité, située dans la rue de la Gare, de 8h30 à midi. Mercredi 9 octobre 2019, à Gérardmer, à l'espace Tilleul, situé à l'adresse 16 rue Charles de Gaulle, de 8h30 à midi et de 16h à 19h30. Vendredi 11 octobre 2019, à Saint-Dié-des-Vosges, à la salle Carbonard, située à l'adresse 27 Place de l'Europe, de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30. Lundi 21 octobre 2019, à Plombières-les-Bains, à la salle Clos des Deux Augustins, située 6 rue Griot, de 16h à 19h30. Samedi 26 octobre, à La Bresse, à la salle des fêtes, située à l'adresse 12 Place du Champtel, de 8h30 à midi et de 15h à 18h30. Jeudi 31 octobre 2019, à Cornimont, à la salle des fêtes, située à l'adresse 24 rue 3e DIA, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, peuvent sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris. Tout de suite, on s'écoute Julien Clerc avec Cœur de Rocker. J'avais déjà un cœur de rocker. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je ne vivais que pour mes idoles. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Je n'étais encore qu'un teenager. Je suis parti vivre ma vie en outsider. Mon père voulait me retenir. Tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est tu vas faire mourir ta mère. Fidèle, mais j'étais totalement fou d'elle. J'ai voulu Et voilà, c'était le cœur de rocker de Julien Clerc sur RGM. Un peu plus de 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 4 octobre 1946, naissance de Suzanne Sarandon, actrice américaine, vue dans Thelma et Louise dans le rôle de Louise Sawyer, les quatre filles du docteur Marsh dans le rôle de Marmee Marsh, ma meilleure ennemie, dans le rôle de Jackie Harrison, où elle est également productrice du film, vue aussi dans Wall Street, L'argent ne dort jamais, ou encore Bad Moms 2. 1947, naissance de Julien Clerc, auteur, compositeur, interprète français. 1953, naissance de Checky Cario, acteur français vu dans Le Marginal dans le rôle de Francis Piron, L'Ours dans le rôle de Tom, Nikita dans le rôle de Bob, Bad Boys dans le rôle de Fouché, GoldenEye dans le rôle du ministre de la Défense Dimitri Michkin, Doberman, Jeanne d'Arc dans le rôle de Jean de Dunois, Babel, Un long dimanche de fiançailles, Japlou, et il a incarné César dans Belle et Sébastien, Belle et Sébastien l'aventure continue et Belle et Sébastien 3 le dernier chapitre. 1956, naissance de Christoph Waltz, acteur autrichien, vu dans Inglourious Basterds dans le rôle du colonel Hans Landa, récompensé par le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes et également par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, vu également dans The Green Hornet, De l'eau pour les éléphants, Django Unchained dans le rôle du docteur King Schultz, Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Comment tuer son boss 2, Spectre 007 dans le rôle d'Ernst Stavro Blofeld, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans le prochain James Bond intitulé No Time to Die, sortie prévue pour l'année prochaine. 1957, naissance de Bill Fagerbeke, acteur américain vu dans The Artist et la série télé How I Met Your Mother dans le rôle de Marvin Erickson Senior. 1967, naissance de Liv Schreiber, acteur américain vu dans Joyeux Noël, Scream 1, 2 et 3 dans le rôle de Cotton Yeri, X-Men Origins Wolverine dans le rôle de Victor Creed alias Dent Sabre, le majordome dans le rôle de Lyndon B. Johnson, Spider-Man New Generation et la série télé Ray Donovan dans le rôle de Ray Donovan. 1976, naissance d'Alicia Silverstone, actrice américaine vue dans Clueless dans le rôle de Cher Horowitz, Batman et Robin dans le rôle de Barbara Wilson alias Batgirl ou encore Scooby-Doo 2. 1977, naissance de Richard Reed Parry, musicien canadien du groupe Arcade Fire. 1979, naissance de Catriona Balfe, actrice irlandaise, vue dans Super 8 dans le rôle d'Elisabeth Lamb, insaisissable dans le rôle de Jasmine Tressler. Depuis 2014, elle joue à la télévision dans la série Outlander, le rôle de Claire Fraser. C'est également l'année de naissance de Rachel Leigh Cook, actrice américaine, vue dans la série Psych-Enquêteur malgré lui dans le rôle d'Abigail Lita, ou encore la série Perception dans le rôle de Kate Moretti. 1984, naissance de Lena Katina Sergivna, musicienne russe et chanteuse qui fut membre du groupe Tattoo. Elles ont notamment sorti le titre All the Things She Said qui a connu un petit succès. On écoute tout de suite un extrait. Thank you. Voilà pour l'extrait du groupe Tatou. On continue les anniversaires. 1986, naissance de Sarah Forestier, actrice française vue dans L'Esquive dans le rôle de Lydia, récompensée par le César du meilleur espoir féminin, vue aussi dans Le Nom des gens dans le rôle de Baya Ben Mahmoud, César de la meilleure actrice, vue aussi dans Gainsbourg, Vie héroïque dans le rôle de France Gall. 1988, naissance de Mélissa Benoît, actrice américaine, vue dans le film Whiplash dans le rôle de Nicole, la série télé Glee dans le rôle de Marley Rose, mais c'est vrai qu'on la connaît surtout pour son rôle de Kara Danvers, alias Supergirl, dans la série Supergirl, ainsi que dans les séries Flash, Arrow et Legend of Tomorrow. 1989, naissance de Dakota Johnson, actrice américaine, vue dans The Social Network, dans le rôle d'Amelia Ritter, 21 Jump Street, le film, 5 ans de réflexion, Need for Speed, célibataire, mode d'emploi, dans le rôle d'Alice, et on l'a vu également dans la trilogie 50 nuances degrés, dans le rôle d'Anastasia Steele. En 1669, décédé Rembrandt, peintre néerlandais, généralement considéré comme l'un des plus grands peintres de l'histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque, et l'un des plus importants peintres de l'école hollandaise du XVIIe siècle. Et en 1970, décédé Janis Joplin, chanteuse américaine, qu'on écoutera en fin d'émission, mais tout de suite on s'écoute le groupe Arcade Fire avec leur titre « Wake Up ». c'était le groupe Arcade Fire avec leur titre Wake Up sur le 107 FM. Allez, il est un petit peu plus de 8h48, on parle météo. La météo. Bon bah malheureusement, hein, ça va pas être joli joli, ni aujourd'hui, ni d'ailleurs pour ce week-end. On va passer la journée et le week-end sous la pluie. Ils avaient peut-être prévu des éclaircies pour samedi après-midi, mais aux dernières nouvelles, on devrait quand même passer la journée sous la pluie. Alors pour aujourd'hui, des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 11 et 12 petits degrés pour cet après-midi. Samedi, des températures comprises entre 10 et 11 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés l'après-midi. Pour dimanche, entre 9 et 10 degrés le matin et entre 12 et 13 degrés pour dimanche après-midi. Allez, on fait tout de suite un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec du football et les résultats de l'Europa League où eh ben ça se passe pas super hein, pour nos clubs français puisque Saint-Etienne a fait match nul face à Wolfsburg, un partout, et Rennes s'est incliné à la Lazio sur le score de 2-1. Hier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs hein, pour les prochains matchs de l'équipe de France, et je vais pas vous mentir, je suis en train de la chercher en même temps. Donc, le temps que ça cherche, on va faire un point sur le programme de la Ligue 1. Ce soir, on débute avec Amiens-Marseille. Samedi, il y aura PSG-Angers, Brest-Metz, Dijon-Strasbourg, Montpellier-Monaco, Nantes-Nice et Toulouse-Bordeaux. Dimanche, Lille-Nîmes, Rennes-Reims, et on terminera avec le choc entre Saint-Etienne et Lyon. En Ligue 2, ce soir, Nancy reçoit le club de Niort. En National 2, samedi, Épinal se déplacera à Sedan. En National 3, on reste à samedi. Rennes-l'Étape recevra le club de Métro Troyenne. Et Thaon-les-Vosges, le club de Bischheim. Ça y est, je suis en train, je l'ai. Ça y est, voilà la fameuse liste des joueurs retenus par Didier Deschamps pour le match contre l'Islande de vendredi prochain et contre la Turquie du 14 octobre. Alors, pour les gardiens, sont retenus Areola, Yoris et Mandanda, côté défenseur, Digne, Dubois, Hernandez, Kipembe, Lenglet, Pavard, Varane et Zouma. Milieu de terrain, Kanté, Matuidi, Ndombele, Sissoko et Tolisso. Et côté attaquant, Ben Yedder, Coman, Giroud, Griezmann, Ikoné, Lemar et Mbappé. Si Mbappé d'ailleurs est remis de sa blessure. Hein. Notez toujours l'absence de Paul Pogba. Sa blessure nécessite 3 semaines hein, de repos. Et Olivier Giroud est toujours dans la liste de Didier Deschamps, même si le sélectionneur a déclaré hein, lors de la conférence de presse que sa situation à Chelsea était un peu préoccupante, hein, puisqu'on le rappelle, Olivier Giroud est à Chelsea, mais malheureusement pour l'attaquant français, il ne joue pas beaucoup, hein, seulement 18 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, c'est vraiment pas beaucoup. Allez, on continue l'actualité, on va parler athlétisme avec hier les larmes de Kevin Mayer lors du décathlon. Il n'a pas pu faire l'épreuve du saut à la perche qui souffre donc des ischio-jambiers. Il souffre également du talon d'Achille, blessure au genou. Enfin, la totale hein, pour le décathlonien français. Voilà, donc il a dû jeter l'éponge au saut à la perche. Il a d'ailleurs mis un message sur ses réseaux sociaux, notamment sur son compte Twitter. Énorme déception, mais zéro regret. J'ai tout donné jusqu'au bout de mes entrailles. Et dans ces conditions, il faut accepter l'échec. Merci à tous pour vos messages. Demain, les soins commencent pour arriver au top à Tokyo. Bon courage à lui. Et c'est le tout jeune Nicholas Cole, 21 ans, qui a été donc sacré champion du monde. Et d'ailleurs, c'est le plus jeune champion du monde sur l'épreuve du décathlon. En 1500 mètres, qualification pour les demi-finales d'Alexis Miaillet. Demi-finale qui aura lieu d'ailleurs aujourd'hui, et en triple saut, qualification pour la finale de la Française Rougui Diallo. On continue l'actualité sportive avec le tennis à Tokyo. Lucas Pouille qui est en train d'affronter Novak Djokovic, bon bah ça se passait pas, je vais pas vous mentir, hein, ça se passait pas super pour le français dans le premier set qu'il avait d'ailleurs perdu, et je ne vois pas le match en direct, donc oui c'est confirmé, Novak Djokovic s'est imposé face à Lucas Pouille en 2-7, 6-1, 6-2, donc voilà, il n'y a plus hein, de français en compétition à Tokyo. Et on va parler du Master 1000 de Shanghai qui aura bientôt lieu, et ce sera sans Rafael Nadal qui renonce à disputer le Master. Il souffre toujours d'une inflammation à la main gauche. Allez, on passe au basket en National 1. Ce soir, le Jet Vosges reçoit l'équipe de Kaisersberg. Il y aura du rugby ce week-end en Coupe du Monde dimanche, France-Tonga. Et on termine avec du hockey sur glace en Coupe de France samedi. Épinal se déplace à Amnéville. Et dans le reste de l'actualité, on va parler d'événements qui ont lieu dans les Vosges ce week-end. On commence tout de suite avec un vide-grenier et un vide-armoire qui a lieu le 6 octobre. Alors, le 6 octobre, c'est dimanche. Alors, pour le vide armoire, ce sera à la salle polyvalente hein, de Saint-Étienne-lès-Miremont, route de Xénois. Et pour le vide grenier, ce sera sur l'espace de la Moutière. Bon, bah, en espérant que le temps soit un petit peu plus clément. Il y a la fête du safran, dimanche toujours, à la ferme aux pétales rouges à Ruaux, à 4 km de Plombières-les-Bains. Je vous rappelle les horaires, de 10h à 18h. Petit marché artisanal, brocante, des animations, notamment démonstration de chiens de troupeau avec la bergerie des Chalots, démonstration culinaire, visite guidée de la safranière, repas autour du safran. Pour plus d'informations, 09 50 52 59 82. Et on termine avec les foulées d'Épinal dimanche pour Octobre Rose, hein, lutte contre le cancer du sein. Voilà donc à peu près pour les événements qui ont lieu ce week-end. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Janis Joplin et le titre Summertime. Thank you. you're gonna rise, rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Going to harm you now. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Don't you cry. Janis Joplin sur RGM, presque 9h. On fait un point rapide sur ce qui vous attend aujourd'hui. Dans quelques secondes, Un Autre Monde. À 11h, Ours et Carottes. 13h30, la rediffusion de Mille et une histoires du tatouage. 14h, J'aime et je vous le lis. 15h, Jazz Time. 20h, Mosaïque avec François. Et nous, on se retrouve lundi matin. Même heure, même endroit. Bonne journée et excellent week-end. Ciao, bye bye.